Le Tadoni, il est mieux que le Giardo. Il est mieux que le 1200 là. Les progrès, Arnaud. Et par contre, j'arrête de fumer avec ce machin là. Je te jure, tu fumes, c'est horrible quoi. Profondeur dans ce clavier. Thank you. Thank you.